Mon intervention d'aujourd'hui vise les représentations de la population roumaine sur différents aspects du régime communiste. Les statistiques que vous allez voir sont le résultat de deux sondages d'opinion réalisés en 2010 par l'Institut d'investigation des crimes du communisme en collaboration avec le Centre de sondage d'opinion de Bucarest sur un échantillon représentatif pour la population roumaine. Et le but de ces sondages, c'était d'avoir une vision d'ensemble, disons, sur comment les Roumains se rapportent-ils à l'ancien régime, comment ils voient différents aspects politiques et économiques, et quelle est leur opinion sur l'importance de la gestion du passé et quelles mesures privilégient-ils en ce qui concerne la gestion du passé dictatorial. Alors, sur un plan général, ces sondages montrent tout d'abord une nostalgie par rapport à l'ancien régime, surtout en ce qui concerne les acquis sociaux et économiques, et une vision peu critique, très critique, je dirais, quant à la répression menée par le Parti communiste durant la période de 45-89. De même, comme vous allez voir, un nombre impressionnant de Roumains, surtout des jeunes âgés entre 15 et 20 ans, ne savent pas répondre aux questions de ce sondage ou ne sont pas intéressés par le sujet. Alors, je vais commencer par dire que la plupart des Roumains considèrent soit que le communisme a été une bonne idée qui a été appliquée de manière erronée. On voit ou pas vraiment? Non. Si. Alors 47% des Roumains considèrent que le communisme a été une bonne idée qui a été appliquée de manière erronée, tandis que 14% considèrent que le communisme est une bonne idée qui a été bien appliquée. De mon point de vue, ces chiffres indiquent qu'il y a une dissociation claire entre le projet communiste et la dictature et la répression que le communisme en fait a impliqué partout dans le monde où il a été appliqué. Et dans ce contexte, la question qui se pose est dans quelle mesure ce manque de conscience entre la connexion entre l'implantation d'un régime de type communiste et la répression et la dictature favoriserait par exemple la Roumanie ou même en Europe de l'Est également, parce que ces chiffres sont presque les mêmes dans les autres pays. Alors, dans quelle mesure une telle approche favoriserait en Roumanie la reprise d'un tel projet politique? De même, 38% des Roumains considèrent que l'installation du régime communiste en Roumanie a été une chose bénéfique pour la société roumaine, tandis que 24% ne savent pas répondre à la question. Alors, ces pourcentages indiquent effectivement une valorisation du régime communiste, et nous allons voir plus tard que cette valorisation fait surtout référence à des aspects économiques. Alors, toutefois, 50% des répondants sont conscients que la période 45-80 a été caractérisée par une répression politique accrue. Mais malgré cette représentation générale, 25% de la population âgée de plus de 40 ans considère qu'il n'y a pas eu de répression politique en Roumanie jusqu'en 1989. Et un chiffre très inquiétant pour les jeunes entre 15 et 20 ans, 49% ne savent pas répondre à cette question. Ils ne savent pas qu'en Roumanie, on a eu politique systématique d'arrestation, de déportation et d'exécution sur des critères politiques. Nous savons qu'en 2006, le président de la Roumanie, Traian Băsescu, a condamné dans le Parlement le régime communiste comme étant illégitime et criminel. Apparemment, cette condamnation de haute valeur symbolique n'a pas convaincu la majorité de la population en Roumanie. Seulement 30% des Roumains se représentent le communisme comme un régime criminel, alors que 50% de la population âgée de plus de 40 ans n'est pas d'accord avec cette idée, et environ 15% ne sait pas répondre à la question. Ce qui frappe de nouveau, et j'insiste sur ce fait-là, est le pourcentage de 337% des jeunes qui ne savent pas répondre à cette question. tout au long de ce sondage, ce qui m'a frappé, c'était généralement cette manque d'intérêt ou cette incapacité de répondre, surtout en ce qui concerne les jeunes. En ce qui concerne l'illégitimité du régime communiste, 42% de la population considère que le régime s'est installé et s'est maintenu au pouvoir en falsifiant les élections, et seulement 32% ne sont pas d'accord avec cette idée. Et comme dans le tableau précédent, on peut voir que les gens âgés de plus de 60 ans ont généralement la plus grande tendance de positiver l'ancien régime, alors que les Roumains entre 20 et 39 ans sont les plus nombreux à avoir une vision critique et négative sur l'ancien régime. Surprenant d'une part, seulement 13% des Roumains considèrent que eux-mêmes ou leur famille ont souffert pendant le communisme. Alors, 3% personnellement, 6% un membre de la famille et 4% les deux. Alors, je dirais quand même que cette question pose problème dans le sens où comment définir la souffrance. Et pour la majeure partie des gens, la souffrance sur le communisme est assimilée généralement aux gestes de répression accrue, ça veut dire arrestation, déportation. Et les gens ne pensent pas également aux privations d'ordre matériel, au manque de la liberté d'expression, au manque de liberté de mouvement. Et de ce point de vue, je pense que l'interprétation de ces pourcentages est problématique, car la question devrait être reformulée. Mais malgré l'imprécision de la question, si seulement 6% des Roumains considèrent qu'un membre de leur famille a souffert pendant le communisme, on pourrait également penser à un manque de débat au sein des familles sur la période communiste et sur les histoires personnelles de vie sous le communisme. Et ce fait a été d'ailleurs confirmé par un sondage en 2009 en ce qui concerne les jeunes. Un sondage qui montre que seulement 15% des élèves de lycée en Roumanie ont des discussions avec leurs parents ou avec leurs grands-parents sur les histoires personnelles sous le communisme. Alors, quant à la responsabilité pour la répression menée durant l'ancien régime, elle est généralement attribuée à la Securitate, l'ancienne police politique, 63%, et seulement ensuite au Parti communiste, 35%. De mon point de vue, cela reflète une méconnaissance de l'histoire du régime et des rapports qui existaient entre la Securitate et le parti, dans le sens où la police politique était subordonnée aux intérêts et aux décisions du parti. Mais en même temps, je pense que cette représentation a également à faire avec la concentration du débat en Roumanie sur la responsabilité et la déconspiration des agents de la Securitate et surtout des informateurs, et beaucoup moins sur la représentation des membres de l'appareil communiste. Quant aux mesures de gestion du passé dictatorial, 40% des Roumains déclarent que l'accès aux archives de la Securitate et du Parti communiste roumain représente une question très importante, tandis que 31% affirment la même chose sur l'application d'un climat de lustration, c'est-à-dire l'interdiction permanente ou temporaire des anciens officiels communistes à candider ou à occuper des positions publiques dans le présent. Toutefois, environ 50% des répondants affirment leur manque d'intérêt quant à l'égard de ce sujet-là. Et si l'accès des archives, la déconspiration des agents de la Securitate, la lustration ne constituent pas des priorités pour les Roumains, de toute manière, c'est un peu plus positif, je dirais. 48% considèrent que les anciens détenus politiques doivent être réhabilités et doivent recevoir des réparations morales et financières. Mais quand même, la valorisation de l'opposition politique sous le communisme ne s'applique pour un quart de la population. 26% des Roumains considèrent que les anciens détenus politiques ne méritent pas réparation morale. Également, 51% des romans considèrent donc c'est nécessaire de construire un musée du communisme à Bucarest. Et ils sont d'accord sur la réduction des pensions des anciens officiers de la Securitate. Mais malgré, disons, le soutien que ces deux projets pourraient avoir de la part de la population, je pense qu'en ce moment, c'est assez peu probable d'avoir des mesures concrètes en ce sens, dans le sens, car en plein crise économique, je doute dans des investissements publics dans un musée, et en même temps, le projet que l'Institut a déposé auprès du ministère de la Justice quant à la réduction des pensions des anciens officiers de la Securitate, ce projet, il a été rejeté, étant déclaré anticonstitutionnel. Alors, nous avons jusqu'à présent cette tendance constante de positiver l'ancien régime. Pardon. Alors, je m'excuse car bon, sur ce tableau, c'est un roman, le reste est en anglais, mais alors on a vu cette tendance constante de positiver l'ancien régime, mais cette tendance devient encore plus accentuée quand le présent est mis en comparaison avec le passé. 49% des Roumains affirment que le standard de vie d'aujourd'hui est inférieur de celui d'avant 1989. 14% affirment qu'il n'y a pas de différence entre la société d'aujourd'hui et la société d'hier, enfin d'avant 89. Et seulement 23% considèrent qu'on mène une vie meilleure aujourd'hui en Roumanie. De la vie sous l'ancien régime, les Roumains valorisent principalement la sûreté de l'emploi, l'absence du chômage, la distribution des appartements et des maisons par l'État, le pouvoir d'achat et le fonctionnement du système judiciaire. Un autre sondage d'opinion mené par la Fondation Soros en 2009 montre que 54% des Roumains considèrent que le système de justice d'aujourd'hui est beaucoup plus corrompu que le système de justice d'avant 1989. Alors, bon, on sait qu'en Roumanie, on a des problèmes avec le fonctionnement du système judiciaire, mais je considère également que ce pourcentage-là indique une méconnaissance de l'histoire de la justice sous le communisme et du rapport de subordination totale du pouvoir judiciaire au pouvoir politique durant le communisme. Je voulais juste dire que cette tendance d'avoir un discours nostalgique par rapport au communisme n'est pas caractéristique seulement pour la Roumanie, qui se retrouve dans tous les autres pays de l'Est. Par exemple, en 2009, 72% des Hongrois déclaraient qu'ils vivaient mieux avant 1989. En Bulgarie et en Ukraine, le pourcentage s'élevait à 62%, alors qu'en Lituanie et en Slovaquie à 45%. Ça veut dire que la Roumanie se trouve disons, sur la même ligne que les autres pays de l'Est. Et je voudrais finir maintenant pour donner quelques explications pour ces chiffres. Alors, tout d'abord, je pense qu'il s'agit d'un manque d'informations sur l'histoire du communisme et sur la violation des droits de l'homme par les responsables du régime. Alors, nous savons qu'en Roumanie, il n'y a pas eu de débat systématique sur l'histoire du communisme, sur les crimes qui ont été commis dans les années 90 et début des années 2000. Je pense que ce manque d'absence a accentué également le manque d'intérêt de la population sur ces sujets. En même temps, jusqu'en 2004, l'histoire du communisme n'était presque pas du tout étudiée à l'école. Et c'est seulement à partir de 2005 que des sujets visant cette période-là ont été introduits comme des sujets obligatoires aux examens des baccalauréats en Roumanie. De ce point de vue, pour les jeunes, je pense que c'était presque impossible d'avoir des informations à travers l'école. En même temps, l'État roumain n'a pas eu une cohérence dans l'application de ses politiques publiques à l'égard de la gestion du passé dictatorial. Je vais donner juste trois exemples. En 2000, le Parlement a constitué le Conseil national d'études des archives de la Securitate, mais pendant 4 ans, cette institution n'a pas eu un accès direct aux archives, les archives étant administrées jusqu'en 2005 par le service roumain d'information, l'héritier de la Securitate. Alors, on crée une institution chargée des archives, mais cette institution n'a pas les archives. Deuxièmement, il n'y a pas eu de procédures judiciaires quant aux crimes commis en Roumanie pendant le communisme, sauf les procès intentés pour les crimes de décembre 89. On n'a pas eu de condamnation judiciaire en ce qui concerne les crimes des années 50, et on a eu seulement 2 condamnations pour les crimes des années 80. De même, la condamnation du communisme en 2006 n'a pas été suivie par des politiques publiques mises en place de manière cohérente et concertée par les institutions de l'État, demeurant, de mon point de vue, une déclaration symbolique et un peu double. Et alors, une autre explication pour ces nostalgies à l'égard du passé est la pré-représentation de tout individu de sa jeunesse comme un âge d'or. Alors, le passé communiste correspond pour la plupart des Roumains à leur adolescence, à leur enfance, et surtout aux années 60-70, quand la répression accrue avait cessé. Et de ce point de vue, regarder le passé, ça veut dire le regarder également notre jeunesse et valoriser ce passé. Et puis, dernièrement, je trouve que la nostalgie du passé représente également une forme importante de sanction du présent. Et dans cette perspective, les résultats de ces sondages doivent également tenir compte du moment où les statistiques ont été faites. Ça veut dire dans un moment de crise économique accrue, caractérisé par la baisse salariale, baisse des revenus, baisse du pouvoir d'achat, et une crise institutionnelle marquée par le fonctionnement précaire de l'administration et de la justice. Et je vais juste finir par dire que si les organismes de l'État n'ont pas la conscience du danger de cette nostalgie par rapport au passé et n'actionnent pas de manière cohérente pour éduquer la jeune génération quant à la mémoire des crimes du communisme, il y a peut-être, je ne sais pas, mais il y a peut-être des dangers quant à la valorisation des systèmes de type autoritaire dont on n'est pas consciente, on peut se laisser séduire par des projets égalitaristes sans avoir la connaissance de ce qui se passe effectivement en pratique.